Rhapsodie 9. Tandis que les Troyens plaçaient ainsi leurs gardes, le désir de la fuite qui accompagne la froide terreur saisissait les Achaïens, et les plus braves étaient frappés d'une accablante tristesse. De même, lorsque les devants Boréas et Zéphyros, soufflant de la Trachée, bouleversent la haute mer poissonneuse, et que l'onde noire se gonfle et se déroule en masse d'écume, ainsi dans leur poitrine se déchirait le cœur des Achaïens. Et l'Atréide, frappé d'une grande douleur, ordonna aux héros à la voix sonore d'appeler, chacun par son nom et sans clameur, les hommes à l'agora. Et lui-même appela les plus proches. Et tous vinrent s'asseoir dans l'agora, pleins de tristesse. Et Agamemnon se leva, versant des larmes, comme une source abondante qui tombe largement d'une roche élevée. Et, avec un profond soupir, il dit aux Argiens, « Ô amis, rois et chefs des Argiens, le chronide Zeus m'a accablé d'un lourd malheur, lui qui m'avait solennellement promis que je ne m'en retournerais qu'après avoir détruit Ilios aux murailles solides. Maintenant, il médite une fraude funeste. Il m'ordonne de retourner sans gloire dans Argos, quand j'ai perdu tant de guerriers déjà. Et ceci plaît au tout-puissant Zeus, qui a renversé les citadelles de tant de villes, et qui en renversera encore, car sa puissance est très grande. Allons, obéissez tous à mes paroles, fuyons sur nos nefs vers la terre bien-aimée de la patrie. Nous ne prendrons jamais Ilios aux larges rues. » Il parla ainsi, et tous restèrent muets, et les fils des Achaïens étaient tristes et silencieux. Enfin, Diomédès, hardi au combat, parla au milieu d'eux. « Atréide, je combattrai le premier tes paroles insensées, comme il est permis au roi dans l'agora, et tu ne t'en irriteras pas, car toi-même tu m'as outragé déjà au milieu des Danaïens, me nommant faible et lâche. Et ceci, les Argiens le savent, jeunes et vieux. Certes, le fils du subtil Cronos t'a doué inégalement. Il t'a accordé le sceptre et les honneurs suprêmes, mais il ne t'a point donné la fermeté de l'âme, qui est la plus grande vertu. Malheureux, penses-tu que les fils des Achaïens soient aussi faibles et aussi lâches que tu le dis? Si ton cœur te pousse à retourner en arrière, va, voici la route. Et les nombreuses nefs qui t'ont suivi de Mycénée sont là, auprès du rivage de la mer. Mais tous les autres Achaïens chevelus resteront jusqu'à ce que nous ayons renversé Ilios. Et s'ils veulent eux-mêmes fuir sur leurs nefs vers la terre bien-aimée de la patrie, moi et Sthénélos, nous combattrons jusqu'à ce que nous ayons vu la fin d'Ilios, car nous sommes venus ici sur la foi des dieux. » Il parla ainsi, et tous les fils des Achaïens applaudirent, admirant le discours du dompteur de chevaux Diomédès. Et le cavalier Nestor, se levant au milieu d'eux, parla ainsi. « Tydéide, tu es le plus hardi au combat, et tu es aussi le premier à l'agora parmi tes égaux en âge. Nul ne blâmera tes paroles, et aucun des Achaïens ne les contredira. Mais tu n'as pas tout dit. À la vérité, tu es jeune, et tu pourrais être le moins âgé de mes fils. Et cependant, tu parles avec prudence devant les rois des Argiens, et comme il convient. C'est à moi de tout prévoir et de tout dire, car je me glorifie d'être plus vieux que toi. Et nul ne blâmera mes paroles, pas même le roi Agamemnon. Il est sans intelligence, sans justice et sans foyer domestique, celui qui aime les affreuses discordes intestines. Mais obéissons maintenant à la nuit noire. Préparons notre repas. Plaçons des gardes choisis auprès du fossé profond, en avant des murailles. C'est aux jeunes hommes de prendre ce soin, et c'est à toi, Atréide, qui est le chef suprême, de le leur commander. Puis offre un repas au chef, car ceci est convenable et t'appartient. Tes tentes sont pleines du vin que les nefs des Achaïens t'apportent chaque jour de la Trachée, à travers l'immensité de la haute mer. Tu peux aisément beaucoup offrir, et tu commandes à un grand nombre de serviteurs. Quand les chefs seront assemblés, obéis à qui te donnera le meilleur conseil, car les Achaïens ont tous besoin de sages conseils au moment où les ennemis allument tant de feux auprès des nefs. Qui de nous pourrait s'en réjouir? Cette nuit, l'armée sera perdue ou sauvée. » Il parla ainsi, et tous l'ayant écouté obéirent. Et les gardes armés sortirent conduites par le Nestoréide Thasimédès, prince des peuples, par Ascalaphos et Ialménos, fils d'Arès, par Mériones, Aphareos et Dépyréos, et par le divin Lycomédès, fils de Créon. et les 7 chefs des gardes conduisaient chacun 100 jeunes guerriers armés de longues piques. Et ils se placèrent entre le fossé et la muraille, et ils allumèrent des feux et prirent leur repas. Et l'Atréide conduisit les chefs des Achaïens sous sa tente et leur offrit un abondant repas. Et tous étendirent les mains vers les mets. Et quand ils eurent assouvi la soif et la faim, le premier d'entre eux, le vieillard Nestor, qui avait déjà donné le meilleur conseil, parla ainsi, plein de sagesse, et dit « Très illustre Atréide Agamemnon, roi des hommes, je commencerai et je finirai par toi, car tu commandes à de nombreux peuples, et Zeus t'a donné le sceptre et les droits afin que tu les gouvernes. C'est pourquoi il faut que tu saches parler et entendre, et accueillir les sages conseils, si leur cœur ordonne aux autres chefs de t'en donner de meilleurs. Et je te dirai ce qu'il y a de mieux à faire, car personne n'a une meilleure pensée que celle que je médite maintenant. Et depuis longtemps, depuis le jour où tu as enlevé aux races divines, contre notre gré, la vierge Briseïs de la tente d'Achilleus irritée. Et j'ai voulu te dissuader. Et cédant à ton cœur orgueilleux, tu as outragé le plus brave des hommes, que les immortels même honorent, et tu lui as enlevé sa récompense. Délibérons donc aujourd'hui, et cherchons comment nous pourrons apaiser Achilleus par des présents pacifiques et par des paroles flatteuses. » Et le roi des hommes, Agamemnon, lui répondit « Ô vieillard, tu ne mens point en rappelant mes injustices. J'ai commis une offense, et je ne le nie point. Un guerrier que Zeus aime dans son cœur l'emporte sur tous les guerriers, et c'est pour l'honorer qu'il accable aujourd'hui l'armée des Achaïens. Mais, puisque j'ai failli en obéissant à de funestes pensées, je veux maintenant apaiser Achilleus et lui offrir des présents infinis. Et je vous dirai quels sont ces dons illustres, 7 trépieds vierges du feu, 10 talents d'or, 20 bassins qu'on peut exposer à la flamme, 12 chevaux robustes qui ont toujours remporté les premiers prix par la rapidité de leur course. Et il ne manquerait plus de rien. Il serait comblé d'or celui qui posséderait les prix que m'ont rapportés ses chevaux ou sabots massifs. Et je donnerai encore au Péléide 7 belles femmes lesbiennes, habiles aux travaux, qu'il a prises lui-même dans Lesbos, bien peuplée, et que j'ai choisies, car elles étaient plus belles que toutes les autres femmes. Et je les lui donnerai, et avec elles, celles que je lui ai enlevées, la vierge Briseïs, et je jurerai un grand serment qu'elle n'a point connu mon lit, et que je l'ai respectée. Toutes ces choses lui seront livrées aussitôt, et si les dieux nous donnent de renverser la grande ville de Priamos, il remplira abondamment sa nef d'or et d'airain. Et quant à nous, Achaïens, partageront la proie qu'ils choisissent 20 femmes troyennes, les plus belles après l'Argène et l'aînée. Et si nous retournons dans la fertile Argos en Achaïe, qu'il soit mon gendre, et je l'honorerai autant qu'Orestès, mon unique fils, nourri dans les délices. J'ai 3 filles dans mes riches demeures, Chrysothémis, Laodiké et Iphianassa, qu'il emmène sans lui assurer une dot celle qu'il aimera le mieux dans les demeures de Péléos. Ce sera moi qui la doterai, comme jamais personne n'a doté sa fille, car je lui donnerai 7 villes très illustres, Cardamylée, Enopée, Ira au pré verdoyant, la divine Féra, Anteia au gras pâturage, la belle Aipeia et Pédasos riche en vignes. Toutes sont au bord de la mer, auprès de la sablonneuse Pylos. Leurs habitants abondent en bœufs et en troupeaux, et par leurs dons ils l'honoreront comme un dieu, et sous son sceptre ils lui paieront de riches tributs. Je lui donnerai tout cela s'il dépose sa colère. Qu'il s'apaise donc. Aïdès seul est implacable et indompté, et c'est pourquoi de tous les dieux il est le plus haï des hommes. Qu'il me cède comme il est juste, puisque je suis plus puissant et plus âgé que lui. » Et le cavalier gérénien Nestor lui répondit « Très illustre Atréide Agamemnon, roi des hommes, certes, ils ne sont point à mépriser les présents que tu offres au roi Achilleus. Allons, envoyons promptement des messagers choisis sous la tente du Péléide Achilleus. Je les désignerai moi-même, et ils obéiront. Que Phoenix aimé de Zeus les conduise, et ce seront le grand Aias et le divin Odysseus, suivis des héros Odios et Eurybates. Trempons nos mains dans l'eau, et supplions en silence Zeus Cronide de nous prendre en pitié. » Il parla ainsi, et tous furent satisfaits de ses paroles. Et les héros versèrent aussitôt de l'eau sur leurs mains, et les jeunes hommes emplirent les cratères de vin qu'ils distribuèrent selon l'ordre à pleine coupe. Et, Après avoir bu autant qu'ils le voulaient, ils sortirent de la tente de l'Atréide Agamemnon. Et le cavalier gérénien Nestor exhorta longuement chacun d'eux, et surtout Odysseus, à faire tous leurs efforts pour apaiser et fléchir l'irréprochable Péléide. Et ils allaient le long du rivage de la mer au bruit sans nombre, suppliant celui qui entoure la terre de leur accorder de toucher le grand cœur de la Iachide. Et ils parvinrent aux nefs et aux tentes des Myrmidones. Et ils trouvèrent le Péléide qui charmait son âme en jouant d'une guitare au doux son, belle, artistement faite et surmontée d'un joug d'argent, et qu'il avait prise parmi les dépouilles après avoir détruit la ville d'Éétion. Il charmait son âme, il chantait les actions glorieuses des hommes. Et Patroclos seul était assis auprès de lui, l'écoutant en silence jusqu'à ce qu'il eût cessé de chanter. Ils s'avancèrent, précédés par le divin Odysseus, et ils s'arrêtèrent devant le Péléide. Et Achilleus, étonné, se leva de son siège avec sa guitare, et Patroclos se leva aussi en voyant les guerriers. Et Achilleus, au pied rapide, leur parla ainsi. « Je vous salue, guerriers. Certes, vous êtes les bienvenus. Mais quelle nécessité vous amène, vous qui, malgré ma colère, m'êtes les plus chers parmi les Achaïens ?» Ayant ainsi parlé, le divin Achilleus les conduisit et les fit asseoir sur des sièges aux draperies pourprées. Et aussitôt il dit à Patroclos, « Fils de Ménoïtios, apporte un grand cratère, fais un doux mélange, et prépare des coupes pour chacun de nous, car des hommes très chers sont venus sous ma tente. » Il parla ainsi, et Patroclos obéit à son cher compagnon. Et Achilleus étendit sur un grand billot, auprès du feu, le dos d'une brebis, celui d'une chèvre grasse, et celui d'un porc gras. Et tandis qu'Automédon maintenait les chairs, le divin Achilleus les coupait par morceaux et les embrochait. Et le Ménoïtiade, homme semblable à un dieu, allumait un grand feu. Et quand la flamme tomba et s'éteignit, il étendit les broches au-dessus des charbons en les appuyant sur des pierres, et il les aspergea de sel sacré. Et Patroclos, ayant rôti les chairs et les ayant posées sur la table, distribua le pain dans de belles corbeilles. Et Achilleus coupa les viandes, et il s'assit en face du divin Odysseus, et il ordonna à Patroclos de sacrifier aux dieux. Et celui-ci fit des libations dans le feu. Et tous étendirent les mains vers les mets offerts, et quand ils eurent assouvi la faim et la soif, Aïas fit signe à Phoenix. Aussitôt le divin Odysseus le comprit, et remplissant sa coupe de vin, il parla ainsi à Achilleus. « Salut, Achilleus! Aucun de nous n'a manqué d'une part égale, soit sous la tente de l'Atréide Agamemnon, soit ici. Les mets y abondent également. Mais il ne nous est point permis de goûter la joie des repas, car nous redoutons un grand désastre, aux races divines, et nous l'attendons, et nous ne savons si nos nefs solides périront ou seront sauvées, à moins que tu ne t'armes de ton courage. Voici que les Troyens orgueilleux et leurs alliés venus de loin ont assis leur camp devant nos murailles et nos nefs. Ils ont allumé des feux sans nombre. Ils disent que rien ne les retiendra plus et qu'ils vont se jeter sur nos nefs noires. Et le chroné Zeus a lancé l'éclair, montrant à leur droite des signes propices. Hector, appuyé par Zeus, est très orgueilleux de sa force et plein d'une fureur terrible, n'honorant plus ni les hommes ni les dieux. Une rage s'est emparée de lui. Il fait des imprécations pour que la divine Eos reparaisse promptement. Il se vante de rompre bientôt les éperons de nos nefs, et de consumer celles-ci dans le feu ardent, et de massacrer les Achaïens aveuglés par la fumée. Je crains bien dans mon esprit que les dieux n'accomplissent ces menaces, et que nous périssions inévitablement devant Troie, loin de la fertile Argos nourrice de chevaux. Lève-toi, si tu veux, au dernier moment, sauver les fils des Achaïens de la rage des Troyens. Sinon, tu seras saisi de douleur, car il n'y a point de remède contre un mal accompli. Songe donc maintenant à reculer le dernier jour des Danaïens. Ô ami, ton père Péléus te disait, le jour où il t'envoya dans la Phtie vers Agamemnon, « Mon fils, Athénée et Érée te donneront la victoire, s'il leur plaît. Mais réprime ton grand cœur dans ta poitrine, car la bienveillance est au-dessus de tout. Fuis la discorde qui engendre les maux, afin que les Argiens jeunes et vieux t'honorent. » Ainsi parlait le vieillard, et tu as oublié ces paroles. Mais aujourd'hui apaise-toi, réfrène la colère qui ronge le cœur, et Agamemnon te fera des présents dignes de toi. Si tu veux m'écouter, je te dirai ceux qu'il promet de remettre sous tes tentes. 7 trépieds vierges du feu, 10 talents d'or, 20 bassins qu'on peut exposer à la flamme, 12 chevaux robustes qui ont toujours remporté les premiers prix par la rapidité de leur course. Il ne manquerait plus de rien. Il serait comblé d'or, celui qui posséderait les prix qu'ont rapportés à l'Atréide Agamemnon, ses chevaux aux sabots massifs. Et il te donnera encore 7 belles femmes lesbiennes, habiles aux travaux, que tu as prises toi-même dans Lesbos bien peuplée, et qu'il a choisies, car elles étaient plus belles que toutes les autres femmes. Et il te les donnera. Et avec elles, celle qu'il t'a enlevée, la Vierge Bréséis. Il jurera un grand serment qu'elle n'a point connu son lit, et qu'il l'a respectée. Toutes ces choses te seront livrées aussitôt. Mais si les dieux nous donnent de renverser la grande ville de Priamos, tu rempliras abondamment ta nef d'or et d'airain. Et quand nous, Achaïens, nous partagerons la proie, tu choisiras 20 belles femmes troyennes, les plus belles, après l'Argienne, l'aînée. Et si nous retournons dans la fertile Argos, en Achaïe, tu seras son gendre. Il t'honorera autant qu'Orestès, son unique fils nourri dans les délices. Il a 3 filles dans ses riches demeures, Chrysothémis, Laodiké et Iphianassa. Tu emmèneras, sans lui assurer une dot, celle que tu aimeras le mieux, dans les demeures de Péléos. Ce sera lui qui la dotera comme jamais personne n'a doté sa fille, car il te donnera 7 villes très illustres, Cardamylée, Énopée, Hyra au pré verdoyant, la divine Féra, Antéia au gras pâturage, la belle Aïd Péia, et Pédazos, riche en vignes. Toutes sont au bord de la mer, auprès de la sablonneuse Pylos. Leurs habitants abondent en bœufs et en troupeaux, et par leurs dons, ils t'honoreront comme un dieu, et sous ton sceptre, ils te paieront de riches tributs. Et il te donnera tout cela si tu déposes ta colère. Mais si l'Atréide et ses présentes sont odieux, aie pitié du moins des Panachaïens accablés de douleur dans leur camp, et qui t'honoreront comme un dieu. Certes, tu leur devras une grande gloire, et tu tueras Hector, qui viendra à ta rencontre, et qui se vante que nul ne peut se comparer à lui de tous les Danaïens que les nefs ont apportés ici. Et Achilleus, au pied rapide, lui répondit, « Divin Laertiade, très subtil Odysseus, il faut que je dise clairement ce que j'ai résolu et ce qui s'accomplira, afin que vous n'insistiez pas tour à tour. Celui qui cache sa pensée dans son âme et ne dit point la vérité est plus odieux que le seuil d'Aïdès. Je dirai donc ce qui me semble préférable. Ni l'Atréide Agamemnon, ni les autres Danaïens ne me persuaderont, puisqu'il ne m'a servi à rien de combattre sans relâche les guerriers ennemis. Celui qui reste au camp et celui qui combat avec courage ont une même part. Le lâche et le brave remportent le même honneur, et l'homme oisif est tué comme celui qui agit. Rien ne m'est resté d'avoir souffert des maux sans nombre et d'avoir exposé mon âme en combattant. Comme l'oiseau qui porte à ses petits sans plumes la nourriture qu'il a ramassée et dont il n'a rien gardé pour lui-même, j'ai passé sans sommeil d'innombrables nuits. J'ai lutté contre les hommes pendant des journées sanglantes pour la cause de vos femmes. J'ai dévasté, à l'aide de mes nefs, 12 villes, demeures des hommes. Sur terre, j'en ai pris 11 autour de la fertile Ilios. J'ai rapporté de toutes ces villes 1000 choses précieuses et superbes, et j'ai tout donné à l'Atréide Agamemnon. Tandis qu'assis auprès des nefs rapides, il n'en distribuait qu'une moindre part aux rois et aux chefs, et se réservait la plus grande. Du moins ceux-ci ont gardé ce qu'il leur a donné, mais de tous les Achaïens, à moi seul, il m'a enlevé ma récompense. Qu'ils se réjouissent donc de cette femme et qu'ils en jouissent. Pourquoi les Argiens combattent-ils les Troyens? Pourquoi les Atréides ont-ils conduit ici cette nombreuse armée? N'est-ce point pour la cause de Hélénée à la belle chevelure? Sont-ils les seuls de tous les hommes qui aiment leur femme? Tout homme sage et bon aime la sienne et en prend soin. Et moi aussi, j'aimais celle-ci dans mon cœur, bien que captive. Maintenant que, de ses mains, il m'a arraché ma récompense et qu'il m'a volé, il ne me persuadera ni ne me trompera plus, car je suis averti. Qu'il délibère avec toi, ô Odysseus, et avec les autres rois, afin d'éloigner des nefs la flamme ardente. Déjà, il a fait sans moi de nombreux travaux. Il a construit un mur et creusé un fossé profond et large, défendu par des pieux. Mais il n'en a pas réprimé davantage la violence du tueur d'hommes Hector. Quand je combattais au milieu des Achaïens, Hector ne sortait que rarement de ses murailles. À peine se hasardait-il devant les portes scaies et auprès du hêtre. et il m'y attendit une fois, et à peine put-il échapper à mon impétuosité. Maintenant, puisque je ne veux plus combattre le divin Hector, demain, ayant sacrifié à Zeus et à tous les dieux, je traînerai à la mer mes nefs chargées. Et tu verras, si tu le veux, et si tu t'en soucies, mes nefs voguer dès le matin sur les Hespontos poissonneux, sous l'effort vigoureux des rameurs. Et si l'illustre qui entoure la terre me donne une heureuse navigation, le troisième jour, j'arriverai dans la fertile Phthir, où sont les richesses que j'y ai laissées quand je vins ici pour mon malheur. Et j'y conduirai l'or et le rouge airain, et les belles femmes et le fer luisant que le sort m'a accordé, car le roi Atréide Agamemnon m'a arraché la récompense qu'il m'avait donnée. Et répète-lui ouvertement ce que je dis, afin que les Achaïens s'indignent, s'il espère tromper de nouveau quelque autre des Danaïns. Mais, bien qu'il ait l'impudence d'un chien, il n'oserait me regarder en face. Je ne veux plus ni délibérer, ni agir avec lui, car il m'a trompé et outragé. C'est assez, mais qu'il reste en repos dans sa méchanceté, car le tressage Zeus lui a ravi l'esprit. Ses dons me sont odieux, et lui, je l'honore autant que la demeure d'Aïdès. Il me donnerait 10 et 20 fois plus de richesses qu'il n'en a, et qu'il n'en aura, et qu'il n'en vient d'Orchoménos, ou de Théba dans l'Égyptia, où les trésors abondent dans les demeures, qui a 100 portes, et qui par chacune voit sortir 200 guerriers avec chevaux et chars. Il me ferait autant de présents qu'il y a de grains de sable et de poussière, qu'il n'apaiserait point mon cœur avant d'avoir expié l'outrage sanglant qu'il m'a fait. Et je ne prendrais point pour femme légitime la fille de l'Atréide Agamemnon, fût-elle plus belle qu'Aphrodite d'or, et plus habile aux travaux qu'Athénée aux yeux clairs. Je ne la prendrai point pour femme légitime, qu'il choisisse un autre Achaïen qui lui plaise, et qui soit un roi plus puissant. Si les dieux me gardent, et si je rentre dans ma demeure, Péléus me choisira lui-même une femme légitime. Il y a dans l'Achaïe, la Hélas et la Phthié, de nombreuses jeunes filles de chefs guerriers qui défendent les citadelles, et je ferai de l'une d'elles ma femme légitime bien-aimée. Et mon cœur généreux me pousse à prendre une femme légitime et à jouir des biens acquis par le vieillard Péléus. Toutes les richesses que renfermait la grande Ilios aux nombreux habitants pendant la paix, avant la venue des fils des Achaïens, ne sont point d'un prix égal à la vie, non plus que celles que renferme le sanctuaire de pierre de l'archer Phoïbos Apollon dans l'âpre Pytho. Les bœufs, les grasses brebis, les trépieds, les blondes crinières des chevaux, tout cela peut être conquis, mais l'âme qui s'est une fois échappée d'entre nos dents ne peut être ressaisie ni rappelée. Ma mère, la déesse Thétis aux pieds d'argent, m'a dit que de Caire m'était offerte pour arriver à la mort. Si je reste et si je combats autour de la ville des Troyens, je ne retournerai jamais dans mes demeures, mais ma gloire sera immortelle. Si je retourne vers ma demeure, dans la terre bien-aimée de ma patrie, je perdrai toute gloire. Mais je vivrai très vieux, et la mort ne me saisira qu'après de très longues années. Je conseille à tous les Achaïens de retourner vers leur demeure, car vous ne verrez jamais le dernier jour de la haute Ilios. Zeus, qui tonne puissamment, la protège de ses mains et a rempli son peuple d'une grande audace. Pour vous, allez porter ma réponse au chef des Achaïens, car c'est là le partage des anciens. Ils chercheront dans leur esprit un meilleur moyen de sauver les nefs et les tribus achaïennes, car ma colère rend inutile celui qu'ils avaient trouvé. Et Phoenix restera et couchera ici, afin de me suivre demain sur mes nefs dans notre patrie, s'il le désire, du moins, car je ne le contraindrai point. » Il parla ainsi, et tous restèrent muets, accablés de ce discours et de ce dur refus. Enfin, le vieux cavalier Phoenix parla ainsi, versant des larmes, tant il craignait pour les nefs des Achaïens. « Si déjà tu as résolu ton retour, illustre Achilleus, et si tu refuses d'éloigner des nefs rapides la violence du feu destructeur, parce que la colère est tombée dans ton cœur, comment, cher fils, pourrais-je t'abandonner et rester seul ici ?» Le vieux cavalier Péléus m'ordonna de t'accompagner le jour où il t'envoya, loin de la Phthié, vers Agamemnon, tout jeune encore, ignorant la guerre lamentable et l'agora où les hommes deviennent illustres. Il m'ordonna de t'accompagner, afin que je puisse t'enseigner à parler et à agir. C'est pourquoi je ne veux point me séparer de toi, cher fils. Même quand un dieu me promettrait de m'épargner la vieillesse et me rendrait à ma jeunesse florissante, telle que j'étais quand je quittais pour la première fois la Hélas aux belles femmes, fuyant la colère de mon père Amintor Orménide. Il s'était irrité contre moi à cause de sa concubine aux beaux cheveux, qu'il aimait, et pour laquelle il méprisait sa femme légitime, ma mère. Et celle-ci me suppliait toujours, à genoux, de séduire cette concubine pour que le vieillard la prît en haine. Et je lui obéis, et mon père, s'en étant aperçu, se répandit en imprécations et supplia les odieuses Erini, leur demandant que je ne sentisse jamais sur mes genoux un fils bien-aimé, né de moi. Et les dieux, Zeus le souterrain et la cruelle Perséphonia, accomplirent ces imprécations. Alors je ne pus me résoudre dans mon âme à rester dans les demeures de mon père irrité, et de nombreux amis et parents venus de tous côtés me retinrent. Ils tuèrent beaucoup de grasses brebis et de bœufs noirs aux pieds lents. Ils passèrent à l'ardeur du feu les porcs lourds de graisse, et ils burent, par grandes cruches, le vin du vieillard. Et pendant 9 nuits, ils dormirent autour de moi, et chacun me gardait tour à tour. L'un se tenait sous le portique de la cour, l'autre dans le vestibule de la salle bien fermée, et le feu ne s'éteignait jamais. Mais dans l'obscurité de la 10e nuit, ayant rompu les portes de la salle, j'échappai facilement à mes gardiens et aux serviteurs, et je m'enfuis loin de la grande Hélias, et j'arrivai dans la fertile Phtiée, nourrice de brebis, auprès du roi Péléus. Et il me reçut avec bienveillance, et il m'aima comme un père aime un fils unique, né dans son extrême vieillesse, au milieu de ses domaines. Et il me fit riche, et il me donna à gouverner un peuple aux confins de la Phtiée, et je commandai aux Dolopiens. Et je t'ai aimé de même dans mon cœur, ô Achilleus égal aux dieux. Et tu ne voulais t'asseoir au repas et manger dans tes demeures qu'assis sur mes genoux, et rejetant parfois le vin et les mets dont tu étais rassasié, sur ma poitrine et ma tunique, comme font les petits enfants. Et j'ai beaucoup souffert et beaucoup travaillé pour toi, pensant que, si les dieux m'avaient refusé une postérité, je t'adopterais pour fils, ô Achilleus semblable aux dieux, afin que tu pusses un jour me défendre des outrages et de la mort. Ô Achilleus, apaise ta grande âme, car il ne te convient pas d'avoir un cœur sans pitié. Les dieux eux-mêmes sont exorables, bien qu'ils n'aient point d'égaux en vertu, en honneurs et en puissance. Et les hommes les fléchissent cependant par les prières, par les vœux, par les libations et par l'odeur des sacrifices, quand ils les ont offensés en leur désobéissant. Les prières, filles du grand Zeus, boiteuses, ridées et louches, suivent à grand-peine Athée. Et celle-ci, douée de force et de rapidité, les précède de très loin et court sur la face de la terre en maltraitant les hommes. Et les prières la suivent en guérissant les maux qu'elle a faits, secourant et exaucant celui qui les vénère, elles qui sont filles de Zeus. Mais elle supplie Zeus Cronion de faire poursuivre et châtier par Athée celui qui les repousse et les renie. C'est pourquoi, ô Achilleus, rends aux filles de Zeus l'honneur qui fléchit l'âme des plus braves. Si l'Atréide ne t'offrait point de présent, s'il ne t'en annonçait point d'autres encore, s'il gardait sa colère, je ne t'exhorterais point à déposer la tienne, et à secourir les Argiens qui, cependant, désespèrent du salut. Mais voici qu'il t'offre dès aujourd'hui de nombreux présents, et qu'il t'en annonce d'autres encore, et qu'il t'envoie en suppliant les premiers chefs de l'armée achaïenne, ceux qui te sont chers entre tous les Argiens. Ne méprise donc point leurs paroles, afin que nous ne blâmions point la colère que tu ressentais. Car nous avons appris que les anciens héros, qu'une violente colère avait saisis, se laissaient fléchir par des présences et par des paroles pacifiques. Je me souviens d'une histoire antique. Certes, elle n'est point récente. Amis, je vous la dirai. Les courettes combattaient les Aïtoliens belliqueux autour de la ville de Calydone. Et les courettes voulaient la saccager. Et Artémis, au siège d'or, avait attiré cette calamité sur les Aïtoliens. Irritée qu'elle était de ce qu'Oïnous ne lui eût point offert de prémices dans ses grasses prairies. Tous les dieux avaient joui de ces hécatombes, mais, oublieux ou imprudents, ils n'avaient point sacrifié à la seule fille du grand Zeus, ce qui causa des maux amers. Car dans sa colère, la race divine qui se réjouit de ses flèches suscita un sanglier sauvage aux blanches défenses qui causa des maux innombrables, dévasta les champs d'Oïnéus et arracha de grands arbres avec racines et fleurs. et le fils de Hénéus, Méléagros, tua ce sanglier, après avoir appelé des villes prochaines des hommes chasseurs et des chiens. Et cette bête sauvage ne fut point domptée par peu de chasseurs, et elle en fit monter plusieurs sur le bûcher. Mais Artémis excita la discorde et la guerre entre les courettes et les magnanimes aïtaoliens, à cause de la hure du sanglier et de sa dépouille hérissée. Aussi longtemps que Méléagros, cher à Arès, combattit, les courettes, vaincues, ne purent rester hors de leurs murailles. Mais la colère qui trouble l'esprit des plus sages envahit l'âme de Méléagros, et irrité dans son cœur contre sa mère Altaïée, il resta inactif auprès de sa femme légitime, la belle Cléopâtre, fille de la vierge Marpissée Evénide et d'Idéarios, le plus brave des hommes qui fussent alors sur la terre. Et celui-ci avait tendu son arc contre le roi Phoïbos Apollon, à cause de la belle nymphe Marpissée, et le père et la mère vénérable de Cléopâtre l'avaient surnommée Alcyone, parce que la mère d'Alcyone avait gémi amèrement quand l'archer Phoïbos Apollon la ravit. Et Méléagros restait auprès de Cléopâtre, couvant une ardente colère dans son cœur, à cause des imprécations de sa mère qui suppliait en gémissant les dieux de venger le meurtre fraternel. Et les genoux ployés, le sein baigné de pleurs, frappant de ses mains la terre nourricière, elle conjurait Aïdès et la cruelle Perséphonia de donner la mort à son fils Méléagros. Et Rhinis, à l'âme implacable, qui erre dans la nuit, l'entendit du fond de l'Erebos. Et les courettes se ruèrent, en fureur et en tumulte, contre les portes de la ville. Ils heurtaient les tours, et les vieillards aïtoliens supplièrent Méléagros, et lui envoyèrent les sacrés sacrificateurs des dieux, afin qu'il sortît et secourût les siens. Ils lui offrirent un très riche présent, lui disant de choisir le plus fertile et le plus beau domaine de l'heureuse Calydone, vaste de 50 arpents, moitié en vignes, moitié en terres arables. Et le vieux cavalier Oenus le suppliait, debout sur le seuil élevé de la chambre nuptiale et frappant les portes massives. Et ses sœurs et sa mère vénérable le suppliaient aussi. Mais il ne les écoutait point, non plus que ses plus chers compagnons, et il ne pouvait apaiser son cœur. Mais déjà les courettes escaladaient les tours, incendiaient la ville et approchaient de la chambre nuptiale. Alors la belle jeune femme de Méléagros le supplia à son tour, et elle lui rappela les calamités qui accablent les habitants d'une ville prise d'assaut. Les hommes tués, les demeures réduites en cendres, les enfants et les jeunes femmes emmenées. Et enfin son âme fut ébranlée au tableau de ses misères. Et il se leva, revêtit ses armes éclatantes, et recula le dernier jour des Aïtoliens, car il avait déposé sa colère. Ils ne lui firent point de nombreux et riches présents, et cependant il les sauva ainsi. Mais ne songe point à ces choses, ami, et qu'un dieu contraire ne te détermine point à faire de même. Il serait plus honteux pour toi de ne secourir les nefs que lorsqu'elles seront en flammes. Viens, reçois ces présents, et les Achaïens t'honoreront comme un dieu. Si tu combattais plus tard, sans accepter ces dons, tu serais moins honoré, même si tu repoussais le danger loin des nefs. Et Achilleus, au pied rapide, lui répondit, « Ô Phoenix, père divin et vénérable, je n'ai nul besoin d'honneur. Je suis assez honoré par la volonté de Zeus qui me retient auprès de mes nefs aux poupes recourbées, et je le serai tant qu'il y aura un souffle dans ma poitrine, et que mes genoux pourront se mouvoir. Mais je te le dis, garde mes paroles dans ton esprit. Ne trouble point mon cœur, en pleurant et en gémissant, à cause du héros Atréide, car il ne te convient point de l'aimer, à moins de me devenir odieux, à moi qui t'aime. Il est juste que tu haïsses celui qui me hait. Règne avec moi et défends ta part de mon honneur. Ceux-ci vont partir, et tu resteras ici, couché sur un lit moelleux. Et, aux premières lueurs d'Eos, nous délibérerons s'il nous faut retourner vers notre patrie ou rester. » Il parla, et, de ses sourcils, il fit signe à Patroclos, afin que celui-ci préparât le lit épais de Phoenix et que les envoyés sortissent promptement de la tente. Mais le Télamonien, Aias, semblable à un dieu, parla ainsi. « Divin Laertiade, très subtil Odysseus, allons-nous-en. Ces discours n'auront point de fin. Il nous faut rapporter promptement une réponse, bien que mauvaise, aux Danaïens qui nous attendent. » Achilleus garde une colère orgueilleuse dans son cœur implacable. Dur, il se soucie peu de l'amitié de ses compagnons qu'il honore entre tous auprès des nefs. Oh, inexorable, n'accepte-t-on point le prix du meurtre d'un frère ou d'un fils ? Et celui qui a tué reste au milieu de son peuple dès qu'il a expié son crime, et son ennemi, satisfait, s'apaise. Les dieux ont allumé dans ta poitrine une sombre et inextinguible colère à cause d'une seule jeune fille, quand nous t'en offrons 7 très belles et un grand nombre d'autres présents. C'est pourquoi prends un esprit plus doux et respecte ta demeure, puisque nous sommes tes hôtes domestiques envoyés par la foule des Danaïens, et que nous désirons être les plus chers de tes amis entre tous les Achaïens. » Et Achilleus, au pied rapide, lui répondit, « Divin Aias Télamonien, prince des peuples, ce que tu as dit est sage, mais mon cœur se gonfle de colère quand je songe à l'Atréide qui m'a outragé au milieu des Danaïens, comme il eût fait d'un misérable. Allez donc, et rapportez votre message. Je ne me soucierai plus de la guerre sanglante avant que le divin Hector, le fils du brave Priamos, ne soit parvenu jusqu'aux tentes et aux nefs des Myrmidones, après avoir massacré les Argiens et incendié leurs nefs. C'est devant ma tente et ma nef noire que je repousserai le furieux Hector, loin de la mêlée. » Il parla ainsi, et chacun, ayant saisi une coupe profonde, fit ses libations, et ils s'en retournèrent vers les nefs, et Odysseus les conduisait. Et Patroclos commanda à ses compagnons et aux servantes de préparer promptement le lit épais de Phoenix. Et, lui obéissant, elles préparèrent le lit comme il l'avait commandé. Et elles le firent de peaux de brebis, de couvertures et de fins tissus de lin. Et le vieillard se coucha en attendant la divine Éos. Et Achilleus se coucha dans le fond de la tente bien construite. Et, auprès de lui, se coucha une femme qui l'avait amenée de Lesbos, la fille de Phorbas, Diomeda, aux belles joues. Et Patroclos se coucha dans une autre partie de la tente, et auprès de lui se coucha la belle Iphis, que lui avait donnée le divin Achilleus quand il prit la haute Scuros, citadelle des Nyeus. Et les envoyés, étant arrivés aux tentes de l'Atréide, les fils des Achaïens, leur offrant des coupes d'or, s'empressèrent autour d'eux. Et ils les interrogeaient. Et le premier, le roi des hommes, Agamemnon, les interrogea ainsi. « Dis-moi, Odysseus, très digne de louange, illustre gloire des Achaïens, veut-il défendre les nefs de la flamme ardente, ou refuse-t-il, ayant gardé sa colère dans son cœur orgueilleux ?» Et le patient et divin Odysseus lui répondit. « Très illustre Atréide Agamemnon, roi des hommes, il ne veut point éteindre sa colère, il n'est que plus irrité. Il refuse tes dons. Il te conseille de délibérer avec les autres Argiens comment tu sauveras les nefs et l'armée des Achaïens. Il menace, dès les premières lueurs d'Éos, de traîner à la mer ses nefs solides. Il exhorte les autres Argiens à retourner vers leur patrie, car il dit que vous ne verrez jamais le dernier jour de la haute Ilios, et que Zeus, qui tonne puissamment, la protège de ses mains et a rempli son peuple d'une grande audace. Il a parlé ainsi, et ceux qui m'ont suivi, Aias et les deux héros pleins de prudence, peuvent l'affirmer. Et le vieillard Phénix s'est couché sous sa tente, et l'emmènera demain sur ses nefs vers leur chère patrie, s'il le désire, car il ne veut point le contraindre. » Il parla ainsi, et tous restèrent muets, accablés de ce discours et de ces dures paroles. Et les fils des Achaïens restèrent longtemps muets et tristes. Enfin, Diomédès, hardi au combat, parla ainsi. « Très illustre roi des hommes, Atréide Agamemnon, plutôt Dieu que tu n'eusses point supplié l'irréprochable Péléide en lui offrant des dons infinis. Il avait un cœur orgueilleux, et tu as enflé son orgueil. Laissons-le, qu'il parte ou qu'il reste. Il combattra de nouveau quand il lui plaira, et qu'un dieu l'y poussera. Allons, faites tout ce que je vais dire. » « Reposons-nous, puisque nous avons ranimé notre âme en buvant et en mangeant, ce qui donne la force et le courage. Mais aussitôt que la belle Éos aux doigts rosés paraîtra, rangeons l'armée et les chars devant les nefs. Alors, Atréide, exhorte les hommes au combat, et combat toi-même, au premier rang. » Il parla ainsi, et tous les rois applaudirent, admirant les paroles de l'habile cavalier Diomédès. Et après avoir fait des libations, ils se retirèrent sous leur tente, où ils se couchèrent et s'endormirent.